ancêtres. Fume avant que la vie te fume, mon père est mort du cancer. Je sais que j'ai été élevé à la bonne enseigne. De 5 bunkers, on aurait dû tout niquer ensemble. J'entre en scène avec Jones, avec TO2S, avec Rizzo dans la chronique de Jojo. Sur Radio Sud 101.8, les frérots. Ah bah oui, hein. Un pied devant l'autre, il est 6h, je me lève quand tu te couches. On est en route, pas pour ses pères quand il faut faire des sous. La ville j'arrose, j'envoie du son, silence le temps que ça pousse. Je trouverai ma branche le jour où ils rendront les gars l'arbuste. Cossé d'anciens guide mon chemin, frérot, non, y'a pas de sus. On se retrouvera autour d'un joint, c'est pas chez moi le pastis. 2019, c'est ce qu'on devient, tu dislike et dis que t'as pas vu. Je me suis perdu, c'était prévu, allez salut. Y'a que des moutons, ce qu'il fait tu veux le faire mais y'a pas de raison. Y'a que des moutons, la recherche du succès passe par l'invention. RTZ. Ok, je n'ai pas d'or sur le dos, jusqu'à vécu qui pèse. Toujours pas d'eau dans mon verre, je n'ai pas vaincu l'ivresse. Tu parles à Lucifer pour justifier ton seum. J'ai juste à repasser mes souvenirs en bobiner mon œil. Les avatars à gauche. Dans mon équipe, aucun défaitiste. Je me défais de rimes et quelques tas d'eau dans la déchetterie. C'est juste crado, vise le tableau. C'est un vrai délire et lâche une sale peau. Je goume les carreaux et mon bic. C'est la série Braco en feat avec Adibizi. Aucun disque d'or ni une carrière en club à dire ici. Je livre du zaf dans le skut, du vrai dans le cœur, m'a dit Mehdi. Oui, oui, aucun calcul en tête. Où j'ai été de ces froids à croire que la rue rend fier, que ça tu t'en être. Je reviens de là où c'est pas marrant, de là où t'es pas gagnant. Là où des plaques allemandes par choc des salles d'argent. Rache ta bande, même Logan est passé à la trappe. Pour dire comment c'est d'art, personne n'est par balle. Je retissors des gravats, range tes sorts, tes blabla. Mange tes morts et basta, désolé j'ai pas le time. Ok. Petit freestyle. Y'a encore du temps là. C'était la petite chronique de Jojo. Si, mais y'a toujours peu de temps pour un petit 16, un petit truc. Vas-y mon frère. Ah. Vas-y, je pull up. Attends, je pull up. Calme-toi. Calme-toi. Il restait 20 secondes, gros. À moins que tu veuilles faire un 3 mesures, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Abonné. On connaît les bonnes habitudes. Vas-y, rap. La 25e, on termine par un petit freestyle, tranquille. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont suivi. Gros big up. Et au mois prochain. T'es au 2S, c'est toi qui clôture. Ouais, on attend la prod. Je vis en parallèle hors de ton périmètre. Oui, tout est réel. L'ingé règle les paramètres avant de manger. Regarde qui prépare l'assiette, la faim se fait rare. C'est moi. Comme voir Mike qui paye sa taille. On est tous solidaires, c'est ça l'idée. Ça pas la politesse comme Valdé. Tu veux m'arrêter, prends un ticket. Parle pas pour rien, même si c'est pour kicker. Dans la misère, t'l'as vu qu'au ciné. Va voir au bled, j'ai des cousins qui ont 3 salaires. Ce soir, on se quête, ouais. Renverse un verre pour ce parti au ciel. Tu veux que mes yeux se ferment, je reste éveillé comme du racel. On est fair play, je te laisse la place, je la reprends après. On aime pas. On peut la monnaie. Ouais. Ah, ce bâtard de tunnel, c'est quoi cette chose? Il t'attend à chaque tournant, à chaque côté de la rime, à chaque coin de mot, il attend. Je sais que. Il attend à chaque virage, tu vois. C'est mort. Allez, gros big up à tout le monde, bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé les sons. Gros big up à vous. Au mois prochain, dans la petite chronique de Jojo, on partagera une heure. Il y aura une spéciale Rap Carry le mois prochain, spéciale Rap Carry, grosse sélection. Et on fera la spéciale Mike Mac Miller. Voilà. Gros big up à vous. Bonne soirée à tous. Merci à tous les auditeurs. C'était la petite chronique de Jojo dans l'émission La 25e sur Radio Sud Besançon 101.8 et Radio Sud Net. Bonne soirée à tous. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Fuck the presence, might as well.